party. Princess Lover. Fuck you, give him lots of pot, pot, pot, pot, pot, pot, pot, pot, pot. But I'm a pot, pot, pot, pot, pot, pot. But I'm a pot, pot, pot, pot, pot, pot. Man, I'm a little tea. Tout le monde a critiqué souk, mais laissez pour qu'on les fouk. Tout le monde a piqué chouk, tout le monde a piqué chouk. A critiqué souk, mais laissez pour qu'on les fouk. Tout le monde a piqué chouk, yo tout le monde a piqué. Tout le monde a fouté, bobo pas qu'à y faire croûte. Passa nous qu'on s'y kako, qu'on s'y crée pour yaout. Tout le monde a critiqué souk, mais laissez pour qu'on les fouk. Tout le monde a piqué, piqué. Hey! Girl, you all love me. Baby, si tu veux vraiment danser, laisse-toi aller, surtout ne te fais pas prier. Yeah, we can't nouveauté, que y'a le français, pas y'a le anglais.